people getting well with progress, getting big success with the unlicker business. Them sure it's just because them are the best, and for my bad activity them never get rest. Learning commercial strategies, getting some financial opportunities, is that the only way to succeed? C'est l'histoire d'un petit bonhomme, tout petit, tout seul. Il se dit que c'est pas bien grave qu'il soit tout petit, vu qu'il est tout seul. Il se dit que c'est pas bien grave qu'il soit tout seul, que de toute façon, s'il y en avait d'autres, il saurait pas quoi leur dire. Que eux, sûrement, ils viendraient l'emmerder dans son petit chez-lui, que de toute façon, ils auraient pas intérêt à piétiner son petit carré de petite pelouse. Que s'il y en avait d'autres, il achèterait un petit gros chien, bien concentré, bien tout plein de dents, qu'il le dresserait à les attaquer, à les découper en mille petits morceaux qui seraient bien plus petits que lui. Qu'après, ils feraient marcher leurs morceaux de viande au pas, qu'il aurait une armée de beefsteaks de ces connards, avec laquelle il irait attaquer des planètes pour tous les niquer, ces PD d'extraterrestres, et leur faire voir qui c'est le plus fort. C'est l'histoire d'un tout petit bonhomme à qui sa maman vient de demander d'éteindre sa Nintendo.